Merci beaucoup. Tout d'abord, à remercier les organisateurs de m'avoir accueilli ici pour partager mon expérience sur l'étude du temps. Une rapide présentation donc à Grégory Pitt de l'Université de Liège. J'ai un profil un peu particulier puisque je suis chercheur depuis 2007 et inscrit en thèse seulement depuis juin 2011. Donc j'ai eu le temps de goûter au plaisir de la recherche et de l'enseignement avant de rentrer en thèse. Je fais une thèse donc depuis un an et demi maintenant en sciences politiques et sur l'étude des discours politiques et des argumentations politiques dans le dossier climatique belge, dans une étude comparée entre les entités fédérales et fédérées, donc entre l'État fédéral et les différentes régions Bruxelles, capitale, région flamande et région wallonne. Et j'étudie trois types d'agenda politique en particulier, l'agenda politique, donc programme des partis, agendas gouvernementaux, qui sont les conseils des ministres, les accords et les déclarations de gouvernement, et les agendas parlementaires avec questions et réponses et débats parlementaires autour du dossier climatique. Voilà pour la présentation succincte. Concernant la communication, je l'ai envisagé comme un regard méthodologique, comme c'était demandé dans l'appel, sur l'importance finalement d'étudier le temps et sur l'importance de sa prise en compte en tant qu'objet même de nos recherches. Je ferai, au point de vue de la communication, je la structure en trois temps, une rapide introduction sur la manière possible de lire le temps et sur le choix de la méthode, que je présenterai en deux mots. Je parlerai de la manière dont je cadre l'analyse du temps en cinq temps et je conclurai sur les contraintes inhérentes à l'étude du temps. Alors tout d'abord, une présentation rapide de la thématique en guise d'introduction, de manière méthodologique. Il est vrai qu'envisager l'étude du temps en soi, c'est pas quelque chose d'extrêmement simple. En général, on cadre l'étude du temps et on cadre nos recherches dans une période, dans une temporalité qui vise un début ou une fin. Dans le cas de ma thèse, moi j'ai décidé d'étudier le temps pour lui-même. Et donc concernant le dossier que j'étudie pour cette présentation et dans le cadre de la thèse, il s'agit rapidement d'étudier les usages politiques du temps et les visions de l'avenir et du futur dans le dossier climatique belge, toujours dans un esprit de comparaison. Dans ce cadre, je souhaite en fait trois choses. La première, c'est identifier les évolutions du dossier climatique et ses points de basculement en Belgique. Je vais rapidement définir ce que j'entends par évolution du dossier et point de basculement. C'est très simple. L'évolution du dossier, c'est une évolution temporelle sur 30 ans, puisque c'est le temps de mon corpus, sur 30 ans des différents discours politiques, alors que les points de basculement, on sort de l'approche par discours pour rentrer par l'approche des arguments. Et donc là, c'est des moments de basculement où l'argument change et transforme radicalement les enjeux et les scénarios, les perspectives et les projections liées au dossier climatique. Mon deuxième point, ce que je souhaiterais faire, c'est voir comment finalement le politique mobilise le temps, ses échelles temporelles, le futur et l'avenir, tant en termes d'arguments qu'en termes de discours. Et enfin, je souhaite étudier le futur comme forme ou comme nouvelle forme de gouvernance. Au point de vue de la méthode, j'ai un corpus de 60 000 pages, plus ou moins, ça fait 900 textes à analyser. Il fallait donc un support, 60 000 pages, je les ai lus, mais après pour retourner dedans, il faut un support informatique pour m'aider à traiter tout ça. Donc je me suis penché sur les travaux de Francis Château-Renaud en sociologie pragmatique et sociologie argumentative. Et j'utilise en fait son programme informatique Prospero. On pourra en discuter plus longuement après. Si vous le souhaitez. Et donc à partir de ce programme, j'ai découpé mon corpus et pour analyser le temps du corpus un cadre d'analyse en cinq temps, donc cinq manières d'étudier le temps. Tout d'abord, et là je rentre dans l'exposé même de la méthode, premièrement le temps et son approche par l'évolution du dossier, le temps par l'approche par les périodes thématiques ou les périodes de discours, le temps par l'approche par les points de basculement, le temps et l'approche par le temps périodisé, et donc là on rentre dans l'étude du futur des échelles temporelles, et enfin le temps par et l'approche des périodes silencieuses. Je vais toutes les développer une à une sur les 30 minutes qui viennent. La première approche, c'est l'approche par l'évolution du dossier. Il est intéressant de voir comment se construit en fait le dossier climatique par rapport à une évolution qui lui est propre, donc dans le cas belge, ou alors par rapport à un contexte politique multi-échelle, qu'elle soit internationale, européenne, fédérale ou fédérée. Et donc là-dedans, ce qui est intéressant de voir, et c'est le tableau que je vais expliquer tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte multi-échelle, au niveau international, il y a tout un contexte notamment lié au GIEC, à la création, à ses rapports. Au niveau européen, il y a les agendas européens liés au dossier climatique et sans compter les élections législatives belges, européennes et régionales qui, au fur et à mesure, redéfinit les enjeux, redéfinit le dossier climatique avec de nouvelles, soit de nouvelles configurations, soit d'un prolongement de ce qui a été fait dans les législatures précédentes. Il y a également à tenir en compte dans l'étude de l'évolution du dossier des événements et des catastrophes qui viennent ponctuellement, soit liés directement au dossier, donc ça peut être les inondations, la fonte des glaciers, la montée des eaux, ou alors liés à d'autres types de dossiers. Et on a vu que Fukushima, par exemple, s'est invité dans le dossier climatique, en passant par le dossier nucléaire et le dossier environnemental. Donc, une fois avoir contextualisé le contexte multi-échelle et les contraintes périphériques, on peut rentrer alors à ce moment-là dans l'analyse de l'évolution du dossier belge. J'ai, sur le tableau qui est là, j'ai distingué deux échelles. Tout d'abord le temps du corpus, qui est l'ensemble de mes documents, qui sont répertoriés sur agenda parlementaire, agenda politique et agenda gouvernemental. Et le temps du dossier, en fait, c'est l'évolution du dossier climatique dans le dossier politique. On peut voir que, vous m'excuserez pour le fait que parfois le français est une langue étrangère pour moi, surtout quand je dois m'exprimer en date, puisque chez nous c'est 90 et vous c'est 90, c'est ça? Donc je ferai quelques lapsus sur ce fait-là, mais je promets de me corriger de temps en temps. Donc, de manière, si on se penche sur cette étude, on constate quoi par rapport à ce graphe? On constate un écart tout d'abord dans les années 80 et 90 entre le corpus entier et le corpus dédié au dossier climatique. On voit aussi que c'est graduel, donc dans les premières 20 années du corpus, on peut voir que le dossier ne prenait pas beaucoup d'ampleur, et à partir de 99, et surtout après 2004 et 2010, on peut voir des pics très développés. Il faut savoir que la courbe redescend en 2012 parce que j'ai arrêté pour l'instant l'encodage de mes données à décembre 2011, et donc, mais normalement la courbe se prolonge en 2012 à la hauteur de 2011. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport aux trois agendas que j'étudie, c'est que le dossier ne quittera pas, et je vais les détailler, ne quittera plus les agendas gouvernementaux à partir de 1999, sera répété au fur et à mesure en 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 et 2011, avec toutefois des priorités très différentes, et ce en fonction du contexte politique belge et aussi contexte politique international. On voit notamment que la crise économique a changé non pas l'urgence climatique, mais la priorité climatique. Et je reviendrai sur la distinction entre priorité et urgence. Concernant les agendas politiques, donc les programmes politiques, on constate que les premières références au dossier climatique dans les programmes politiques apparaissent en 87, essentiellement dans les programmes libéraux, écologistes bien entendu, et catholiques. Le PS en 87 n'en parle pas du tout. Il faudra attendre 1995 pour le voir apparaître à ce moment-là dans les programmes du PS et programmes écologistes. Et par contre, les libéraux et les catholiques n'en parleront pas. Et enfin, au niveau, donc il faudra attendre 99 pour que tous les programmes confondus, les quatre principaux, donc libéraux, catholiques, écolos et socialistes, et aussi le Front National, en parlent à partir de 99. Enfin, au niveau des agendas parlementaires, là, la temporalité est un peu plus reculée, puisque les premières questions parlementaires et réponses parlementaires interviennent en 1990. Et donc, 10 ans après, grosso modo, le début d'un débat qui aurait pu être entamé sur le dossier climatique. Passons à présent, une fois avoir brossé, une fois que j'ai brossé grosso modo de manière quantitative le dossier, comme ça on y voit un peu plus clair et on voit à quel moment sont les pics. Maintenant, on va rentrer dans l'étude des thématiques et donc du discours politique. Là-dessus, je me suis basé sur Prospero qui m'a aidé à découper en fait les 32 années en 91 périodes. 91 périodes ? Non. Oui ? 91 ? 91 périodes de temps. Et donc, elles sont toutes, toutes ici présentées. Je ne vais pas toutes les présenter, mais je vais vous montrer la logique en fait du découpage par période du temps et du discours. Donc au-dessus, il y a des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont les périodes qui correspondent à des temporalités. La 1, la période 1, va de 87, donc découpe les discours politiques de 87 à 94, de 94, 95, etc., ainsi de suite, et je reviendrai au fur et à mesure dessus. Alors, qu'est-ce que nous montre ce tableau? Vous le voyez bien, plus ou moins? Non? Ouais, peut-être que grossir un peu. Je suppose que on doit pouvoir, si on peut comme ça. C'est mieux ? Oui, c'est mieux. Ok. Je ne sais pas si on sait agrandir encore. Okay. Donc, par période, en fait, on voit que les discours changent dans le dossier climatique. La première période qui va de 87 à 94 va centrer le débat et le dossier climatique sur un débat sur les gaz à effet de serre, sur la pollution atmosphérique, sur une comparaison entre le dossier belge et le dossier français. On voit qu'en termes de scénarisation et de perspective temporelle et d'échelle temporelle, en 87, la perspective est de 13 ans, puisqu'on renvoie à un scénario sur l'an 2000. On voit aussi qu'il y a un contexte international qui va influencer le dossier. On fait, dès 87, un lien entre le dossier climatique, réchauffement et changement avec le dossier environnemental. Les questions européennes sont déjà présentes dès 87. Si on passe alors en 94-95, on voit que le dossier, en tout cas le discours, reste centré sur la pollution atmosphérique, sur un débat sur les réductions et les mesures à prendre au niveau des gaz à effet de serre. On peut voir alors que à partir des années 96-97, le lien entre le dossier climatique et le discours sur la pollution atmosphérique va complètement disparaître et être récupéré et être transformé en tout cas avec un discours centré sur les gaz à effet de serre, sur l'environnement, on voit en période 3, donc 1996-1997, l'apparition d'un questionnement sur la température mondiale et son augmentation. On parle à ce moment-là des 2 degrés en fait, identifié sur une augmentation d'ici 2060. Toujours une perspective, et ça c'est intéressant, une scénarisation jusque l'an 2000. Et là, on est en 97, donc une vision politique d'une législature, pas plus. Toujours le débat européen. On continue. Période 4, on est en 97, et on voit apparaître alors un nouveau type de discours qui est lié au transport. Toujours le lien avec le dossier environnemental. Et on peut continuer, un discours sur l'entreprise naît en 1999 et un nouvel acteur apparaît qui est venu. On continue dans l'évolution du dossier. On voit notamment en période 7, on est en 2001, là, apparaître la première référence à Rio. Il faut savoir que la convention de Rio, c'est 1992. Et donc il a fallu quasiment 7 ans avant que cette convention n'arrive dans les débats politiques belges. Sûrement cité en dehors, mais pas en tout cas dans les 3 agendas que j'étudie. Si on continue, on peut voir que donc sur les 91 périodes, je ne vais pas les éplucher une à une, mais on peut voir que l'évolution du dossier en termes de discours, pas encore en termes d'arguments, évolue. Et notamment en période 10, en 2001, on voit un lien dans le réchauffement climatique avec la santé publique et les risques sur la santé publique notamment. On voit aussi à partir de la période 14, on est en 2003-2004, apparaître un lien entre le discours sur le nucléaire et le dossier climatique. Ça, c'est intéressant parce que ça suit très fort le débat français sur l'introduction du discours nucléaire dans le débat sur le réchauffement climatique, et j'y reviendrai à ce moment-là dans le point de basculement. Et donc au fur et à mesure, on voit l'évolution du dossier en fonction de nouvelles thématiques, notamment en 2009, apparaît le débat sur les réfugiés climatiques. Et donc là, ça nous permet de structurer pour l'instant l'évolution en soi du discours sur le dossier climatique et sur le réchauffement climatique en Belgique. À partir de là, je peux quitter ceci. À partir de là, ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait l'étude des discours, c'est revenir alors sur une étude encore plus en profondeur sur l'analyse des arguments. Et c'est l'approche par les points de basculement dont je parlais. C'est le troisième point du cadre d'analyse. Je vais prendre trois exemples qui me semblent éclairants pour bien montrer ce qu'est un point de basculement, autrement dit une reformulation de l'argumentation des enjeux et des politiques publiques. Trois arguments. Le premier, l'argument nucléaire, qui a débuté en 2003 et qui va durer jusque 2007 dans le débat sur le réchauffement climatique. Le deuxième, les arguments liés aux réfugiés climatiques, qui apparaissent en 2009. Et le troisième, le débat autour de l'augmentation de la température mondiale d'ici 2016 sur le débat entre 2 degrés et 4 degrés qui vient de réapparaître en novembre 2012 dans un des rapports de la Banque mondiale. Premièrement, le dossier nucléaire. À partir de 2003, on voit apparaître un argument très fort dans le dossier climatique et je le cite puisqu'il revient formulé de manière différente dans les différents programmes politiques et discours des acteurs politiques. Je trouve que celui-ci est le plus éclairant, qui dit, texto, « L'énergie nucléaire ne produit ni gaz à effet de serre, ni polluants acides, et n'appauvrit pas la couche d'ozone. » Cet argument, dans les discours politiques, va créer un point de basculement, en fait, dans le dossier climatique, sur 4 ou 5 ans, puisque c'est un discours qui est, vous comprendrez, pas tenu par les écologistes, tenu par le Parti catholique, Parti libéral et dans une moindre mesure par le Parti socialiste. Et on voit très clairement que le Parti écologiste va avoir énormément de difficultés à se situer par rapport à cet argument dans le dossier climatique. Et il faudra, en France, ça a existé aussi, hein, le même débat est apparu et les mouvements antinucléaires ont quasiment failli disparaître dans les années 2004, notamment à cause de cette argumentation. Et donc on va voir que jusqu'en 2007, les partis écologistes ne vont pas se prononcer sur cette question et vont revenir, vont contre-argumenter sur cet argument nucléaire, non pas dans le dossier climatique, mais en déplaçant le débat dans un autre dossier qui est le dossier environnemental, pour dire tout simplement, déplaçons le débat et peut-être que l'énergie nucléaire ne pollue pas et ne va pas à l'encontre des. Ne produit pas de gaz à effet de serre, pardon, mais par contre, elle produit des déchets et donc, au point de vue environnemental, le risque est extrêmement important. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le dossier nucléaire, on peut le voir en 2007-2008, sort complètement. Du dossier climatique et on ne reviendra plus sur ce type d'argumentation. Et donc on voit bien, alors à ce moment-là, un changement dans les enjeux politiques et en termes de discours et en termes d'arguments sur le dossier climatique. Sur les réfugiés climatiques, ils apparaissent en 2009. Il faut savoir que un rapport de l'ONU, déjà d'octobre 2005, citait les réfugiés climatiques en disant que d'ici 2050, on pourrait les chiffrer autour de 150 millions. Il faut attendre donc 4 ans avant qu'ils n'apparaissent, que ce débat n'apparaisse dans les discours de politique belge. On voit que l'apparition de l'argumentation autour des réfugiés climatiques va changer plusieurs choses en termes de politique publique en Belgique, notamment en termes de politique publique liée aux coopérations de développement, liée à la politique étrangère, mais aussi liée à la politique intérieure, puisqu'il faut savoir que toute la région flamande est le long de la mer du Nord, et selon certains scénarios, suivant la montée des eaux de la mer, il pourrait y avoir de l'eau, et la mer pourrait atteindre Bruges. Autrement dit, toute une partie de la population flamande, plus de la moitié, pourrait être considérée comme réfugiée climatique dans cet ordre-là. Et donc il y a tout un débat qui est en train de naître, et donc ce débat modifie la manière de considérer les enjeux sur cette thématique. Troisième point de basculement que je souhaiterais mettre en évidence, c'est le débat autour du dépassement des 2 degrés et la scénarisation des 3 ou 4 degrés à venir. Il faut savoir que l'objectif des 2 degrés a été fixé donc, dans un rapport du GIEC en 2007, alors même que l'Académie des sciences britanniques publiait quelques années plus tard un rapport disant que les objectifs du GIEC sur une stabilisation du climat et de la température mondiale à 2 degrés étaient complètement dépassés, car d'ici 2060, on serait sur une base de plus 4 degrés en termes de température moyenne mondiale. Et donc ce débat, il a fallu le temps qu'il percole jusque dans les agendas parlementaires et politiques et gouvernementaux en Belgique, puisque la première question parlementaire liée à l'augmentation de la température mondiale apparaît fin des années 2000, en disant, donc une des parlementaires interpelle le ministre du Climat en disant il y a un rapport de l'Académie des sciences britanniques qui remet en cause l'objectif des 2 degrés fixé par le GIEC et récupéré par les agendas politiques européens, qu'en pensez-vous? Et le ministre réaffirme l'objectif des 2 degrés fin 2010, début 2011. Et ce qui est intéressant, en fait, on l'avait déjà préalablement identifié comme point de basculement en disant ça va ressortir. Et en effet, le débat est en train de ressortir, notamment par le débat en passant par l'agenda médiatique et puis en passant par l'agenda international par la Banque mondiale en novembre 2012, qui vient de spécifier le fait qu'on pourrait avoir une révision du scénario des 2 degrés par une approche plutôt d'ici 2060 sur une augmentation à 4 degrés de la température mondiale. Et donc on voit que l'agenda politique belge est en train de revenir sur ce type de questions et revoir alors toute une série de mesures liées au climat. Voilà pour le point, la différence entre l'approche par les discours, temporalité des discours, temporalité alors des arguments et des points de basculement. Passons alors à l'analyse des temps périodisés, autrement dit l'analyse du futur et l'analyse des échelles temporelles. Tout simplement pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple d'un argument typique des acteurs politiques dans la construction de l'avenir et du futur et de la définition de leurs échelles temporelles, qui est l'argument lié au pire est à venir. Donc c'est un argument qu'on retrouve couramment dans les différents discours politiques. Et que nous apprend-il sur les différentes constructions des échelles temporelles? Si on suit finalement cet argument, le pire est à venir, on peut voir deux interprétations majeures dans la construction du discours politique. La première s'apparente à une proposition de scénarisation pour lequel le pire à venir, soit en deux mots, soit en un mot, serait finalement la gradation ultime d'une échelle des dangers qui pèse tant sur la société que sur les modes de vie, que sur les modes de consommation et sur les rapports à la nature. La deuxième interprétation du recours à ce type d'argument peut être trouvée également dans l'usage de l'heuristique de la peur, et là je fais référence à Anne Jonas, et la peur serait ici, elle jouerait en fait un rôle d'apprentissage des dangers et un rôle en termes de prise de conscience. Elle serait dans un sens mobilisatrice et nécessaire, ce serait l'objectif de faire peur et se faire peur pour agir. Et cette mise en scène, puisque c'est comme ça que finalement on peut la considérer, c'est une mise en scène du futur et une mise en scène du pire est à venir dans les discours politiques, peut être lu donc de deux manières, soit une action comme échelle ultime, soit une construction de l'action politique comme une échelle ultime des dangers, soit comme une construction d'une peur génératrice de projets politiques à ce moment-là. Et sur ce point, ce qui est intéressant, si on reste dans l'approche par le pire est à venir, c'est finalement quelle est la place de l'urgence. Donc l'urgence invoquée par rapport au temps futur et au pire est à venir, est-elle finalement une urgence construite sur un an, 10 ans, 50 ans, voire une éternité? Si on se base sur les travaux de Chateau-Renaud, il met en évidence en fait que toute une part des discours, qu'ils soient politiques ou autres, militants et autres, sont en fait des discours construits et des arguments construits sur un futur qui est hors de portée de l'action publique, tout simplement. Et dans le corpus, en fait, ce flou autour de ce qui est à la portée, donc ce qui est une échelle temporelle associée au pire, est également présent. Et justement, cette ambiguïté autour de l'urgence à court terme ou à long terme, ou à la portée de l'action publique et hors de portée de l'action publique, est également constamment présent, et ce flou est joué par les acteurs politiques. Et lorsqu'on met en relation l'urgence du pire et les actions politiques proposées, il apparaît donc une urgence construite qui serait presque, en tout cas pour l'instant, hors de portée de l'action publique concrète. Et ce, parce que finalement, d'autres priorités redessinent constamment l'enjeu climatique et le rendent dépendant d'autres sujets. On a vu, c'est le cas de la crise économique, qui a constamment mis à l'arrière-plan, et donc même si le débat climatique et l'enjeu climatique est défini en termes d'urgence, elle n'est pas définie en termes de priorité dans les agendas gouvernementaux. Et on le voit clairement lorsqu'on fait la comparaison entre déclaration gouvernementale et accord de gouvernement. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Il y a un accord de gouvernement et une déclaration gouvernementale ? Non. Pas exprimé sous cette forme. Pas sous cette forme. Alors, j'explique rapidement. L'accord de gouvernement, c'est en fait quand les élections ont lieu, régime à la proportionnelle, les différents partis vainqueurs se mettent ensemble et définissent un accord de gouvernement qui fait globalement entre 100 et 250 pages. Et puis à ce moment-là, il passe devant les différentes assemblées lire la déclaration de gouvernement qui fait, elle, maximum 5 pages. Et là, c'est très intéressant de voir comment dans les 200 pages et dans les 5 pages s'articulent les priorités et les urgences. Dans l'accord de gouvernement des 200 pages, on définit une urgence climatique. Par contre, dans la déclaration devant les assemblées, le Sénat et le Parlement, les priorités ne citent pas le dossier climatique. Et donc, on voit une tension entre ce qui est urgent et ce qui est prioritaire. Et donc, on voit bien cette construction des échelles temporelles en termes de législature et en termes de temporalité. Je reviendrai rapidement là-dessus, avant de conclure. Je passe maintenant à l'approche par les silences, et j'irai très vite là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement la manière dont percole un discours ou un argument entre les différentes échelles politiques et les différents niveaux de pouvoir. Une simple mise en contexte et un simple exemple, le GIEC est créé en 88. Il publie son premier rapport en 1990, deuxième 1995, troisième 2001 et quatrième 2007. On a attendu 2013. Il y a eu toute une série de rapports intermédiaires en 92, 94, 2000, 2005, 2012. Pardon. Et la convention de Rio date de 1992. Pourtant, ça c'est intéressant, les premiers rapports du GIEC ne seront pas cités dans les agendas politiques avant la deuxième moitié des années 90. Il faudra attendre 2 ans pour que le rapport dont on parlait sur les réfugiés climatiques arrive dans les agendas politiques belges. 3 ans pour que le scénario de l'Académie des sciences britanniques percole dans les débats parlementaires. Et surtout, il faudra 5 ans avant que la Banque mondiale n'en fasse référence. On a le même exemple, donc j'avais dit que je me basais sur Château-Renault, je travaille avec lui. Et donc c'est vrai que toute une partie du cadre analytique sur la temporalité est reprise d'une compilation de ses travaux. Et il avait fait la même analyse sur le cas de l'amiante dans les sombres précurseurs, en montrant bien qu'entre les années 60 et les années 90, il y avait 30 ans, voire 40 ans d'absence et de silence complet sur le dossier de l'amiante. Et finalement, tout le monde se disait, oui, je pensais que tu agissais, hein, maintenant, et moi j'attendais que tu fasses quelque chose. Et donc il y avait complètement une absence du dossier de l'amiante dans les politiques publiques. Conclurai rapidement, et je crois qu'il me reste une minute, donc c'est parfait. Je conclurai rapidement sur les différentes contraintes liées à l'étude du temps et l'étude des temporalités. Tout d'abord, je dirais que le temps que l'on étudie, qui fixe la période d'étude ou qui soit étudié pour lui-même, finalement ne se construit pas dans un désert temporel. Et je mettrai quatre contraintes liées à l'étude du temps. Tout d'abord, étudier le temps, c'est accepter que selon la thématique étudiée, qu'elle soit climatique ou autre, d'autres temps sociaux entrent en concurrence. On a vu que, par exemple, le temps politique en soi n'est pas le temps climatique. Le temps politique n'est pas le temps scientifique et encore moins le temps du politique, puisqu'on peut distinguer deux temps en politique, le temps politique qui est le temps des élections, des législatures qui rythment les agendas, et le temps du politique qui est l'agenda propre en soi de l'acteur politique. Ensuite, on doit tenir compte d'échelles temporelles multiples qui n'ont finalement quasiment jamais la même signification entre les acteurs en présence. En effet, 50 ans pour l'acteur politique, c'est une éternité, c'est pas loin de 13 législatures. C'est hors de sa portée, de sa vision politique et hors de son agenda encore plus, de son agenda propre. Puisqu'on compte, un ministre a aujourd'hui 50 ans, enfin notre premier ministre a une soixantaine d'années, 50 ans pour lui, c'est hors de son propre agenda politique. Or 50 ans, si on compare alors à ce moment-là le temps du politique sur 50 ans au temps de la Terre et du climat, 50 ans finalement c'est aujourd'hui, c'est dans quelques heures, et c'est une urgence et une priorité. Troisième contrainte, elle est liée aux événements et aux catastrophes périphériques qui ont une influence considérable sur le temps des acteurs en général, qu'ils soient politiques ou autres. Et l'urgence politique peut finalement, en quelque sorte, naître d'événements soudains. On a vu que Fukushima a relancé toute une partie du débat nucléaire qui n'était plus, en tout cas en Belgique. J'ai vu qu'en France, ce n'était pas tout à fait le cas, mais en Belgique, le débat nucléaire était éteint depuis une bonne année. Et Fukushima a relancé ce débat-là. Le budget aussi, le budget a relancé tout un débat écologiste, surtout aujourd'hui, puisqu'on vient d'approuver le budget 2013. Et le climat est complètement absent du budget 2013. C'est un budget de rigueur, c'est un budget purement économique, lié à l'emploi, lié à la relance, et très peu d'innovation technologique liée au climat, et quasiment rien sur les énergies renouvelables. Enfin, et donc on a les événements périphériques au dossier, et on a les événements et les catastrophes directes alors liées au dossier, qui viennent relancer le débat parlementaire. Et on a vu ça notamment avec les inondations en Flandre ou en Wallonie, qui ont finalement relancé le débat sur le réchauffement climatique et les enjeux climatiques en liant inondation et réchauffement climatique. Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le rapport entre inondation, inondation en général et changement climatique, mais en tout cas, dans les débats politiques, le lien est relativement plus rapidement fait, en tout cas. Une dernière remarque, finalement les trois variables du temps, si on veut vraiment l'étudier en profondeur, doivent être présentes en soi dans ma recherche ou en général dans les recherches, si l'on souhaite trois points, si on souhaite comprendre d'où il vient, c'est l'étude du temps passé avec l'étude des précédents, si on souhaite comprendre comment il se fait, c'est l'étude du temps présent et c'est l'étude en train de se faire, de se défaire et de se refaire en fonction des événements et des catastrophes. Et enfin, c'est comprendre où il va, c'est le temps futur et le temps à venir, et c'est le temps des scénarios, le temps de la prospective et le temps de la mise en contexte sur le long terme du dossier qu'on étudie. Voilà. Tout juste 33 minutes. Merci pour votre attention. Merci. Je vous propose de prendre la parole. On réagit en fait après chaque intervention. Ou alors on peut faire les deux interventions si vous préférez. On peut peut-être faire un peu les deux. C'est peut-être pour ça. C'est-à-dire que on les oubliait. Oui, c'est vrai, c'est sage. Bon, moi je ne suis pas du tout spécialiste des politiques publiques. Je travaille plutôt sur les individus. Dans lequel, effectivement, la question de la temporalité, des temporalités sociales sont importantes, mais j'ai jamais, effectivement, cherché à transposer l'analyse du temps dans les politiques publiques. Donc, pour dire que je ne suis pas forcément le chercheur le plus légitime sur la question. J'ai essayé de jouer mon rôle de discutant. On a bien compris que, effectivement, cette question de la temporalité était centrale dans votre analyse. De la question climatique, en fait, de la place de la question climatique dans l'agenda politique belge. Vous identifiez très clairement des manières d'appréhender le temps, des évolutions, des basculements, des scénarisations, du silence. J'ai loupé une figure, mais qui devait être entre évolution et basculement. Elle a dû glisser, ou alors j'ai eu une panne de... C'est suivi par les discours. Elle est suivie par les discours, ouais. On voit que vous avez une réflexion méthodo et que la temporalité est au cœur de votre réflexion méthodo et des outils que vous mettez en œuvre. J'ai pas très bien compris... finalement, à comment était conçu votre premier graphique. Et je ne sais pas si c'est... donc peut-être vous pourrez nous expliquer un petit peu justement cette conception. Et donc effectivement, on voit bien tout ça, on voit bien que c'est vraiment la pierre angulaire de votre travail, et en même temps, je suis un peu dérangé parce que, en fait, je ne comprends pas quelle conception du temps vous avez. C'est-à-dire, je ne comprends pas s'il y a une théorie, si vous avez une théorie, ou sur le temps et sur le rôle du temps dans la compréhension de l'action publique et de sa temporalité intrinsèque. Au départ, vous dites, je prends le temps pour objet. Oui, pourquoi pas, mais peut-être ça mérite une justification, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que prendre le temps pour objet? Est-ce que c'est étudier le temps pour le temps? Ou quels paramètres, quels éléments du réel on fait intervenir pour comprendre justement à la fois l'organisation du temps, l'agencement des temps, et puis la dynamique des temps, et effectivement aussi l'instrumentalisation des temps sur lequel vous avez insisté, qui me semble être quelque chose de très important. Notamment, par exemple, quand vous nous parlez des évolutions de l'agenda politique, alors, qui dit évolution, des découpages du temps. Nous, les géographes, on est très habitués à découper l'espace. Et on a toujours pour principe de se dire que l'espace ne se découpe pas tout seul, hein, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui découpent et cet espace, et qui découpent l'espace à partir de certains critères de découpage. Et en fait, on ne sent pas bien dans votre présentation quels sont finalement qui découpe. Est-ce que c'est le temps qui se découpe tout, enfin, l'agenda politique qui se découpe tout seul? Est-ce que c'est vous, en tant que chercheur, qui découpez l'agenda politique? Et à partir de quels critères et de quels indicateurs vous découpez l'agenda politique? Donc, c'est la question, effectivement, du rôle du chercheur. Et quand vous traitez la question du basculement, qui me semble être une question très intéressante, qui renvoie, à mon avis, une littérature absolument pléthorique, surtout si, effectivement, on puisse dans... la science sociale, qui est peut-être la plus habituée à réfléchir sur la temporalité, quoique, c'est-à-dire l'histoire, je veux dire, sur la question effectivement du changement et ou des révolutions dans l'histoire, et ou du basculement, hein, c'est-à-dire le passage du linéaire au temps discontinu, enfin à la rupture, quoi. Et du coup, là, c'est pareil, c'est-à-dire que comment vous posez la rupture, comment vous posez le basculement, qui intervient. Comment vous l'objectivez et comment cette objectivation, ce travail d'objectivation, prend ou pas une place dans vos dispositifs méthodologiques. Voilà un petit peu les interrogations que j'avais à partir de votre proposition, qui me semble vraiment intéressante. Je réagis aussi, peut-être. Donc moi je travaille sur l'action publique, mais pas du tout avec le même outillage que vous. Bon, c'est intéressant, c'est toujours un peu comment dirais-je, une gageure de réagir comme ça à brûle pour point pour celui qui discute et qui a pas le même appareillage théorique, et pour celui qui expose face à un public. Bon, qui n'est pas de la même discipline, dans un temps bon, qui est quand même limité. Donc je dirais la présentation que vous avez faite, elle est dense, elle est très dense, peut-être que, enfin, comme Laurent, moi j'aurais aimé, c'était certes pas possible, hein, dans le temps dont vous disposiez, avoir peut-être un éclairage plus développé sur votre cadre théorique, disons, et la manière dont vous découpez vos objets. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, le découpage temporel et l'outillage pour analyser le temps auraient pu, c'est vrai, être présenté de manière plus développée, et aussi le découpage de vos objets, pas seulement le découpage de l'objet temps, mais le découpage de, par exemple, vous dites, bon, voilà, je m'intéresse, moi j'étais un peu déconcertée par une chose que vous avez dite comme ça en passant. vous dites je m'intéresse au dossier climatique et à un moment vous dites le discours se déplace ou le dossier hein, pour reprendre vos termes non, le discours se déplace du dossier climatique vers le dossier environnemental. Bon, je ne suis pas spécialiste moi de l'action publique sur les questions environnementales, mais il me semble que en France ces dossiers se rejoignent assez, enfin ne sont pas comme ça aussi distincts. Donc je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais par exemple, parmi les choses dont, à propos desquelles j'aurais souhaité un éclairage, sur votre découpage, c'est celui-là. Comment vous découpez, enfin ce qu'en sociologie on peut appeler un champ, par exemple, hein, ou un domaine d'action publique, ou un secteur, enfin bon, je ne sais pas comment vous pourriez le nommer. Vous avez utilisé le terme dossier, bon, peut-être que c'est le vocabulaire de l'action, peut-être que c'est votre vocabulaire à vous, mais voilà. Donc, parmi les découpages, la manière dont vous découpez le réel avec vos instruments, bah, voilà, il y a aussi cet élément qui, moi, m'a paru un tout petit peu mystérieux. Enfin bon, voilà, je pense que vous pouvez certes donner des explications convaincantes dessus, et peut-être vous pouvez répondre en deux mots à la question. Et puis, autre chose sur laquelle je m'interrogeais en vous écoutant, mais là, de mon point de vue à moi, qui est plutôt celui de la sociologie de l'action qui utilise l'analyse stratégique, hein, pour faire vite. Moi, je me disais, vers quelle explication on va ? Parce qu'en fait, vous avez un appareillage analytique extrêmement intéressant et, je dirais même, assez fascinant, très puissant, enfin, très, très construit, etc. Mais, au fond, l'interrogation, c'est vers quel type d'explication ça conduit. Bon, vous êtes au début quasiment hein, de la thèse, donc je ne sais pas si c'est encore s'il est temps de formuler des hypothèses explicatives, mais est-ce qu'on va en gros vers une explication cognitive, vers une explication bon, en termes d'analyse stratégique, je ne sais pas. Moi, je vous attendais un petit peu sur l'usage du temps par les acteurs comme instrument de pouvoir, le temps comme ressource, bon, évidemment, parce que c'est mon point de vue, ça rejoint davantage mon point de vue, mais je conçois que ce ne soit pas le vôtre. Enfin voilà, vers quelles hypothèses explicatives vous allez en gros, et comment vous y êtes pris pour découper le réel avec vos instruments théoriques, et en particulier de quel champ, de quel domaine d'action publique s'agit-il véritablement et... Je réponds ou on prend des questions de la salle ou j'attends. Tu peux peut-être répondre et puis on fera des questions de la salle après. Alors, comment a été construit le premier graphique ? Ça, c'est tout simple en fait. J'ai pris, donc il y avait deux courbes. Attends, tant pis, on va tirer. Il y a deux courbes sur, c'est les 900 textes qui ont été répartis de manière linéaire. Et donc dans ces 900 textes, tous ne parlent pas du climat. Et je voulais voir en fait la distance entre les 900 textes, donc les 60 000 pages réparties dans les trois agendas, et voir à partir de quel moment ressort finalement le débat climatique par rapport aux trois agendas, tout simplement. Et donc ça montrait simplement que dans la période entre 80 et début des années 2000, il n'y a quasiment pas ou très peu de débats sur le dossier climatique. Et que finalement la prise en main dans les agendas politiques apparaît à partir de 1999 pour ne plus jamais le quitter et rester continuellement tant dans les agendas gouvernementaux que politiques et que parlementaires. Suivant la conception du temps, la théorie sur le rôle du temps et le temps pour objet c'est quoi et étudier le temps pour le temps, ses dynamiques, sur le temps il y a énormément d'approches. Et ce qui est assez drôle, et je le reconnais et je l'assume en travaillant avec Francis Château-Renaud, j'ai dérivé un peu de la science politique. En tout cas, j'ai goûté à la science politique autrement. Je l'ai goûté par l'analyse de la socio-balistique et socio-argumentative. Et donc, le mixte, c'est vrai, et je vous réponds comme ça à tous les deux, mais c'est vrai que le mixte est un peu particulier. Je ne fais pas du suivi d'acteurs politiques. Et surtout, quand en science politique, finalement, je vais être un peu critique, mais par rapport à l'étude du temps, on a juste l'échelle temporelle, court terme, moyen terme et long terme, et en dehors de ça, on n'est pas beaucoup plus innovant pour avoir lu le livre de Palier et de toute son équipe de recherche et sur elle, sur les changements de dossier et l'évolution, finalement, c'est tout le temps répété cette approche de court terme, moyen terme, long terme, et voir que certains dossiers ne s'emboîtent pas sur le long terme, ou notamment sur le développement durable, qui est vu à long terme en Allemagne et à court terme dans d'autres pays en termes de comparaison. Je trouvais ça relativement pauvre. Maintenant, c'est vrai, le risque avec cette approche et cette étude du temps par les discours et par la sociologie argumentative, que j'invite en sciences politiques, efface alors toute une partie, notamment toute l'approche des acteurs en soi. Elle reviendra, mais plus tard. Elle reviendra pour savoir quels acteurs a fait rentrer ou quels acteurs a fait basculer le dossier. Est-ce que c'est le ministre lui-même ou est-ce que c'est un parlementaire, et d'où vient, alors comment on remonte à la source? Parce qu'ils le disent, en fait, c'est relativement intéressant, quand on lit une question parlementaire, on voit en général la référence « Ah, j'ai pris connaissance du rapport » ou « J'ai vu dans la presse que… » En tout cas, pour le débat sur les 4 degrés d'augmentation, la première question qui est ressortie, c'est le rapport de la Banque mondiale véhiculé par les médias, alors qu'il était déjà présent depuis 2010 dans les débats, mais tout le monde l'avait oublié complètement. Donc on voit alors le cheminement, Francis Château-Renaud appelle ça la balistique argumentative, mais c'est vraiment suivre l'argument qui fluctue, qui disparaît, qui réapparaît. Et donc c'est les acteurs, bien entendu, qui le tirent, mais avant ça, il faut déjà pouvoir tirer alors cette balistique de l'argument avant de revenir sur les acteurs, et ça, c'est vrai, je ne l'ai pas encore fait. Par contre, connaissant très bien mon dossier, je sais clairement qui sont les acteurs qui font sursauter. Vous avez posé les très bonnes questions. Ouais, voilà, c'est ça. Au fur et à mesure, je les vois ressortir, et je sais, hein, cette personne est très active. Et ce qui est intéressant aussi de soulever, c'est que les acteurs, c'est paradoxal, mais les acteurs qui font ressortir des questions parlementaires sur le dossier climatique, mais c'est le seul que je connais, mais je suppose que ça doit être la même chose dans les autres, c'est souvent des acteurs politiques qui ne sont pas en soi concernés par l'enjeu climatique. J'ai énormément de Front National ou de Vlaams Belang, qui est l'équivalent du Front National, qui sont constamment sur la balle, mais que ce soit dans le dossier climatique ou sur d'autres dossiers. Et les écologistes, quand ils sont au gouvernement, il y a très peu de questions, finalement. Et donc il y a très peu de remise en cause du débat parlementaire à ce niveau-là. Donc on ne peut pas dire que le dossier climatique, je vais revenir sur le mot dossier après, et le jeu des acteurs, en tout cas au niveau politique, fluctue en fonction essentiellement d'un contexte, mais aussi par rapport à qui est dans la majorité actuelle. Donc là, c'est sur le découpage par rapport au temps et les acteurs. Sur le basculement, comment se passe le basculement, en fait, comment se passe la rupture? Bah, c'est vrai, voilà, c'est l'influence de la socio-argumentative à nouveau, et c'est un basculement, non pas par les acteurs entrant et sortant, en tout cas pas pour le moment. C'est un basculement que je vois par le changement d'argumentation. Et donc, ces changements d'argumentation redéfinissent toute une série d'enjeux liés au dossier climatique qui évolue, en fait. Donc, c'est une approche, le découpage par les discours, par exemple, des 91 périodes. C'est pas moi qui ai découpé personnellement le corpus. C'est grâce au support informatique Prospero qui m'a permis, et lui découpe pas en termes d'acteurs, mais en termes d'apparition de nouvelles thématiques, donc de nouvelles formes de discours. Et puis dans ces discours, on peut identifier les points de basculement en fonction des arguments qui reviennent, soit récurrents ou alors parce que c'est marquant. Par exemple, dans le corpus même, dans le corpus des changements climatiques, le 11 septembre est réapparu. En termes de points de basculement, il faut revoir aussi toute une partie de nos enjeux, même climatiques, et aussi au point de vue des sécurités et autres. Et on peut voir que alors ça percole dans le dossier nucléaire, dans le dossier environnemental et dans le dossier du terrorisme qui apparaît. Parce qu'en 2001, il y a eu un lien entre le dossier climatique, le dossier nucléaire et le terrorisme. Et ça, c'est particulier comme forme de reconfiguration du discours et comme forme de reconfiguration de l'argumentation. Donc pour le cas théorique, bah oui, c'est vrai que cette socio-argue peut-être corrompu ou trafiqué un peu mon discours de politologue ou de politiste. Mais je l'assume, en plus, l'avantage, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, on dépose maintenant des thèses en sciences politiques et sciences sociales, donc on peut... c'est peut-être la même chose chez vous, donc ça pose plus de problème de faire introduire de la socio en Sciences Po, alors que je me souviens sur Non, non, les frontières sont floues aussi. Sont floues aussi. Chez nous, c'est. Et même dans les jurys maintenant, c'est un mélange de sociaux, Sciences Po et autres. Donc, sur le terme objet, en fait, c'est vrai que c'est. Le terme dossier climatique, c'est vrai que c'est une construction simplement liée à l'usage de Prospero, puisqu'on structure finalement nos idées par thématique, par être fictif. Si j'ai 2 minutes, je peux vous montrer, en fait, ce sera plus simple. Pour, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que le discours, je peux ? Ouais. Ouais, bien sûr. Franchement, ça va aller vite. Mais ce sera peut-être plus clair puisqu'on est dans des méthodes. Et donc, quand on. On charge l'ensemble du corpus. Ici, il y a 420 textes chargés pour le moment. Et alors, en fait, quand on rentre dedans, tout simplement, les dossiers sont répartis en termes d'entités dans lesquelles on peut alors reconstruire toute une partie d'acteurs argumentatifs. Et donc, si ça se charge, voilà. Comment suivre l'évolution du changement climatique ? Par toute une série de références qui sont dans le dossier climatique, j'ai toute une catégorisation de mots comme changement climatique au pluriel, au singulier, émissions de gaz à effet de serre, protocole de Kyoto, etc. Et la liste est longue. Et grâce à ça, je peux suivre en fait les mouvements, les intersections du corpus, de l'ensemble du corpus par rapport au changement climatique. Et je peux voir les différents rebonds. Les différents réseaux qui se créent alors par rapport, si par exemple je veux globalement connaître son réseau prioritaire sans en faire une étude temporelle, je peux voir que le réseau premier du changement climatique, c'est un débat européen, puis un débat belge, et puis c'est un débat qui glisse sur l'évolution des gaz à effet de serre. C'est un débat international aussi, avec notamment, et ça c'est intéressant parce que la question des achats, c'est essentiellement dans les questions parlementaires, et dans les derniers accords de gouvernement, mais comme ils font 250 pages, ça prend énormément de place en termes de comptage de mots, si on prend comme ça. Et en fait, c'est l'achat et la revente des quotas belges d'ici 2013, parce qu'on a un surplus et on peut en revendre. On voit aussi que la place des plans climat belges apparaissent dès les années 90, etc. Et puis à côté, on a toute une série de discours préétablis, construits aussi avec toute une série de mots. Et on voit que, par exemple, toute la question de la prospective, c'est un des discours les plus répandus dans le débat climatique actuel, enfin, en tout cas dans mon corpus de 30 ans. Donc, à partir de là, pour rebondir sur finalement quel type d'explication cela conduit, c'est ça qui m'intéressait. Quand j'ai vu sortir que finalement on était constamment dans une construction du futur et dans des visions du futur et de prospective, je voulais voir quel type de futur, comment il se construit, comment il s'argumente aussi. Est-ce que c'est juste, et ça c'est intéressant, est-ce que c'est juste une mise en récit ? Essentiellement, oui, malheureusement, c'est une mise en récit. Parce que quand on voit dans les programmes politiques la différence entre l'argument lié au temps et puis les mesures, on est tout à fait dans des registres de discours différents. On dit c'est extrêmement urgent. C'est très intéressant. Oui, parce qu'en fait on est dans des visions du futur et de la prospective, mais quand on regarde la prospective, elle est sur 10 ans. 2 ans parfois, sur 2-3 ans, de 1997 à 2000, c'était 3 ans, et de 1987 à 2000, c'était 13 ans. Et alors que les enjeux climatiques, c'est des bases sur 50 ans. Alors ce qu'on voit apparaître maintenant, depuis les années 2010, c'est la création peut-être d'un conseil des sages climatiques, et qui aurait alors, qui ne bougerait pas en fonction des législatures, parce que. Alors à ce moment-là, le temps politique bouge constamment. En fonction des ministres, les politiques sont revues et autres. Et il n'y a pas une vision à long terme, une continuité, parce qu'il y a sans cesse des événements qui viennent casser, qui viennent remettre en cause le dossier climatique. Le budget, c'était la plus belle chose ici, ce mois-ci. C'est le budget, on a complètement négligé pour des questions de budget, pour des questions de rigueur, complètement nié tout ce qui était innovation technologique, lutte contre le climat et autres. Et donc, grâce à ça, c'est vrai qu'on peut voir alors cette considération du temps en termes d'arguments et de discours. Découpage du réel, mais c'est vrai que le découpage par période, en fait, c'est Prospero qui le permet, hein, et en suivant les discours et les arguments. Est-ce que des gens ont des questions dans la salle ? J'avais une question. Moi, je trouvais ça très intéressant la remarque que vous faisiez sur le découpage du temps et qui découpe le temps et comment on découpe. Et du coup, je mettais ça en lien avec la question que j'avais en tête, c'est comment vous regardez. Là, on voit bien qu'il y a un graphique un peu linéaire où tous les corpus, enfin tous les textes du corpus sont mis sur le même graphe. Oui. Or, vous avez étudié plusieurs agendas, oui, sur plusieurs scènes oui, différentes. Et du coup, dans quelle mesure vous étudiez et vous visualisez le décalage qu'il peut y avoir entre ces différents agendas ? Est-ce que le graphe est le même partout ? Un peu ce que vous disiez sur la question de la diffusion aussi, combien de temps met le rapport du GIEC pour entrer dans le... Donc ça, moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir que aussi chaque agenda a un peu sa temporalité propre et en même temps une espèce d'interdépendance entre les différents agendas et des acteurs qui agissent aussi plus ou moins, ou en tout cas avec plus ou moins de succès, pour une synchronisation à la fois des agendas et des différentes temporalités. Moi, c'est vraiment cette question de synchronisation aussi que je voulais savoir comment vous la... Est-ce que vous la traitez et si oui, comment vous l'abordez ? En fait, oui, je la traite, mais enfin, malheureusement, je n'avais pas le temps. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû scinder les trois agendas. La différence, c'est que quand on est dans l'agenda politique, on a énormément de périodes de silence, puisqu'il est construit suivant les élections. Mm-hmm. Et donc là, le temps politique, le temps de l'agenda politique, c'est le temps politique. Et c'est vrai qu'on... étant donné que je connais le dossier par cœur, je le vois ressortir. Et là, dans l'agenda politique, par exemple, dès 87, on en parle dans l'agenda politique. On parle déjà du réchauffement climatique, essentiellement lié à la pollution atmosphérique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne parle pas de changement climatique, on parle de réchauffement climatique. Et donc toute la lexicologie en soi évolue aussi. Mais par contre, les premières questions parlementaires, elles n'apparaissent qu'en 1990. Pour les agendas alors à ce moment-là gouvernementaux, dans les déclarations, il faut attendre 1999. Et donc entre l'inscription dans un programme de parti en 87 et 1999, il y a 12 ans. Donc en termes de priorité et d'urgence, il y a 12 ans qui se sont passés en termes d'identification de problèmes et en termes de mise à l'agenda en soi, mise à l'agenda du gouvernement en termes de priorité et d'importance. Donc oui, ça c'est vrai, il y a un énorme décalage. Et surtout qu'il y a un premier aspect qui est celui de la diffusion dans le temps, donc avec un des agendas qui est plus précurseur que les autres, ouais, et qui se diffuse petit à petit. Mais là, on reste sur une vision qui est encore assez linéaire, où quelque chose apparaît quelque part et ensuite se diffuse progressivement, ouais, infuse dans les autres, ouais, agendas. Je pense et je trouve que ce que dit dans votre présentation, ce que tu dis dans ta présentation, tu dis clairement qu'il y a aussi un caractère un peu cyclique, qu'il y a des trucs qui apparaissent à un moment, qui oui, s'effacent à un autre et qui reviennent à un autre moment. Donc oui, ce jeu d'aller-retour, s'il est mis en relief ensuite par l'interdépendance entre les différents agendas, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. Pour ceux qui justement ne connaissent pas le dossier par cœur, oui, comment, et avec derrière ça, la question de la visualisation, quoi. Oui, c'est vrai. Comment on peut utiliser les graphes, comment on peut, pour nous faire prendre conscience de ce, oui, de ce jeu-là, et de comment un même argument se promène entre les différents. Merci, parce que c'est vrai que ça, en fait, il faut créer des sous-dossiers et je ne l'ai pas encore fait, mais ça viendra. Merci. En fait, en géographie, ça pourrait renvoyer à toute une école qui a cherché à modéliser la diffusion spatiale, c'est-à-dire les processus de diffusion de coûts, d'innovation culturelle, etc. Et qui a pu trouver des modèles quantitatifs qui expliquent des rythmes de diffusion dans l'espace et des échelles de diffusion. Et j'ai l'impression qu'on est dans le même type de réflexion et d'approche où on cherche effectivement à modéliser peut-être sous certaines conditions la diffusion de d'entités argumentaires dans les différentes formes d'agenda. Tout à fait, c'est vraiment ça. Il y a aussi un courant sur la cartographie des controverses, où j'ai juste vu une conférence dessus, où c'est justement, alors là, ils cherchaient par rapport à Internet comment des controverses apparaissaient, et ils suivaient l'évolution des... Donc au niveau modélisation, il y a peut-être des pistes. En fait, c'est exactement la même. Donc ça, c'est Bruno Latour, c'est toute cette école-là. C'est la même chose, la différence, c'est que Bruno Latour passe par les acteurs, et Château-Renaud passe par les arguments. Mais ils font exactement, enfin j'aurais pu modéliser et montrer avec Pagec et tout, cette cartographie de la controverse, en termes d'entité, temps par période, voire la proximité entre les différents mots, alors que Latour fait la proximité entre les acteurs, à quel moment ils s'emboîtent, ils se rencontrent et ils sortent. C'est plus ou moins le même mécanisme, et on sait tout à fait cartographier. C'est l'objectif final en fait de cartographier. La seule chose, c'est que je ne le fais pas pour le moment parce que je n'ai pas tous mes textes encore encodés. Et donc, si je commence à cartographier maintenant, je sais bien que les données seront... Il y a 420 textes pour l'instant encodés, et il y en a 900 au total. Donc, tu vois, ça va encore évoluer. Mais oui, l'objectif est de montrer aussi cette cartographie et puis l'expliquer. Et quel est le lien en fait entre l'évolution du climat et les décisions, en tout cas les réflexions qui sont menées par les différents acteurs? Quand le GIEC identifie un souci, que ça met 4 ans pour arriver dans l'oreille des politiques, est-ce que ces politiques se fondent sur les arguments d'il y a 4 ans et sur l'état des lieux d'il y a 4 ans? Oui, si, ils se fondent sur l'état des lieux d'il y a 4 ans. Et les catastrophes sont les seuls moyens en fait de se remettre à jour? Oui, c'est les événements qui bousculent les agendas. Ou des nouvelles études, parce que quand on voit l'Académie des sciences britanniques qui remet en cause le rapport du GIEC, il faut faire attention aussi, c'est une critique, on a l'habitude de voir tout le temps le GIEC dans le dossier climatique. Au niveau belge, je suppose qu'au niveau français aussi, il y a énormément d'instituts de recherche qui sont très critiques par rapport à toute une série de scénarios, et ça apparaît en fait dans les agendas belges, dans toute une série de modes de calcul sont complètement remises en cause, des modes de calcul du GIEC sont complètement remises en cause par des modes de calcul, notamment Vanni Burzee, l'état du CL, mais il a toute une équipe qui n'est pas tout à fait constamment en accord avec ce qu'il a pu préalablement écrire politiquement dans le GIEC. Parce qu'il y a tout le discours aussi politique du GIEC, alors que quand on prend les autres modes de calcul beaucoup plus critiques de différents centres de recherche, c'est vrai qu'on les voit apparaître en fait dans le corpus. Donc là, il y a une remise en cause, mais c'est vrai. Par exemple, sur l'objectif européen 2010, sur de limiter l'augmentation de la température de 2 degrés, c'est issu du rapport du GIEC de 2007, alors qu'aujourd'hui, en 2012, on sait clairement que les 2 degrés, on les a largement dépassés en termes de scénarisation. Et donc ça, c'est pas encore intégré. Il faut voir quel est l'acteur. Pour l'instant, je dirais que la Banque mondiale et les médias, en tout cas ici en novembre, a joué peut-être un moment de basculement. Mais il faut voir après dans les faits ce que ça va donner. En tout cas, dans le budget, c'est absolument pas revenu au débat. Mais on est toujours sur une base de 2007, 5 ans plus tard. Et il faut voir le rapport du GIEC de 2013, peut-être qu'il aura adapté les résultats. Et on verra une adaptation alors des politiques dans quelques années. Et en suivant le discours, en fait, on peut les voir. C'est une autre manière de suivre aussi les acteurs. Il ne reste plus trop de temps, c'est fini. J'ai plein de questions, je vais juste en poser deux très rapides. Il y a juste une question par rapport à la méthode et Prospero, en fait, le fait qu'il compte, on va dire, par apparition, etc. Comment est-ce que tu prends en compte à travers ça l'importance des discours? Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que par exemple, tout à l'heure, tu disais, je ne me rappelle plus exactement les termes, mais en France, pour te donner un équivalent, je pense que ce serait le programme politique et le discours de politique générale du Premier ministre. Y en a un qui fait 250 pages, l'autre qui fait 5, mais il y en a un qui peut-être, je ne sais pas, hein, en tout cas c'est un exemple comme un autre, a plus d'importance dans le débat politique et dans le débat médiatique, etc., qu'un autre. Premier point, comment est-ce que ça s'est pris en compte? Et deuxième chose, c'est une question de pur intérêt, tu l'as tout petit peu abordé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dégager des liens entre l'idéologie politique des acteurs et leur utilisation du temps, ou en tout cas, par exemple, le temps de transfert d'un certain nombre d'infos, comme on parlait à l'instant du GIEC, etc. Pour la première, c'est vrai que Prospero propose un comptage. Moi, personnellement, je ne le fais pas. C'est pour ça que j'en parle les discours et par les arguments. Donc, ce que je prends en compte, c'est l'importance des documents que j'étudie. Dans Prospero, tu peux faire une distinction et demander dans quel type de document, pour l'instant, je suis en train de lire cette argumentation-là. Si je suis dans un accord de gouvernement, je sais que ça a une priorité supérieure d'un programme de parti. Et donc, pour moi, dans mon interprétation, je dirais, ben voilà, on est dans une priorité qui est complètement différente du programme politique. Et donc, ce n'est pas en termes de comptage que j'identifie les ruptures ou les basculements, mais vraiment en termes de dans quel type de document je suis. Et en fonction de ça, le discours sera, et là j'analyserai ça, enfin je développerai ça dans ma thèse, mais sur le fait que dans les trois types d'agenda que j'étudie, parlementaire, gouvernemental et politique, il y a trois types de discours complètement différents. On est dans un discours de mise en scène au niveau des programmes politiques, on n'est plus du tout dans la mise en scène quand on passe dans les agendas gouvernementaux. Et le discours, la manière de décrire, la manière de raconter l'histoire est tout à fait différente. On va te parler de l'éternité, par exemple, ou de l'humanité dans les... Mais c'est vrai, ça revient, donc c'est ça que c'est intéressant. Alors, comme horizon temporel, on ne te parlera jamais d'humanité et d'éternité dans les agendas politiques, parce qu'on est dans du court terme, parce qu'il faut agir sur la législature de 4 ans. Et donc, les mesures sont... La manière de raconter la mesure est complètement différente. Et donc, ça, tu le vois très clairement dans le discours. Mais c'est vrai, comme tu le soulignais, en faisant le découpage en sous-corpus par agenda, là, c'est sûr qu'on on le verra encore bien mieux, et non plus en termes de comptage, mais en termes d'importance à ce moment-là. Puis l'idéologie, oui, à mon avis, ça doit ressortir. Maintenant, honnêtement, je ne me suis pas posé la question. C'est vrai. Ce serait intéressant de voir qui cite qui, peut-être, mais je sais pas. Franchement, ce serait peut-être à tester, mais... La seule chose, c'est qu'on voit, bien entendu, que le parti écolo, quand il fait un programme de 1000 pages et qu'il y en a 250 sur le climat, il n'y a jamais la même proportion dans le programme du parti socialiste qui fait 250 pages et 10 pages sur le climat. Donc à ce moment-là, bah oui, le type d'argument est complètement différent et le type de discours est complètement différent entre les deux. Mais ça, ce serait intéressant de voir comment ils mobilisent aussi les acteurs, qui va chercher qui. Donc, est-ce qu'on va chercher, par exemple, le CDH, donc le parti anciennement parti catholique, maintenant c'est Centre démocrate humaniste, par exemple, ne cite pas le GIEC, en tout cas, je ne l'ai quasiment jamais vu dans les programmes politiques, alors que écolo le cite régulièrement avec les acteurs comme Van Utterzee et les autres, puisqu'il y a des proximités entre acteurs politiques et acteurs scientifiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci.